Je m'en fous de Noël, je m'en fous de Noël. Le 24 c'est officiel, grosse fête pour mes labels. Oh hey, hey. Elle a sorti les confettis, elle a préparé la sono. Il y a partout des haribos, c'est même elle qui a fait le gâteau. Mais n'oublie pas de danser, danser, danser. Aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser. C'est parti pour la danse. Oh, mes labels. Le reste n'a plus d'importance, tu fais des étincelles. Oh, mes labels. Pour ta fête, mes labels. Oh, mes labels. Et bon anniversaire, Mélanie. Oh, oh, oh. Elle a gonflé les ballons, elle a décoré le salon. Elle a préparé les cocktails pour sa fête. Mais la belle. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser. C'est parti pour la danse. Oh, mais la belle. Le reste n'a plus d'importance, tu fais des étincelles. Oh, mais la belle. Bon anniversaire, Bella Mélanie. C'est parti pour la danse. Oh, Bella Belle. Le reste n'a plus d'importance, tu fais des étincelles. Oh, Bella Belle. Pour ta fête, Bella Belle. Oh, Bella Belle. Oh, oh, Bella Belle. Et bon anniversaire, Mélanie. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. On va s'amuser, s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser. C'est parti pour la danse. Oh, mais la belle. Le reste n'a plus d'importance, tu fais des étincelles. Oh, mais la belle.